mes amis, comme vous le savez, j'ai trouvé un pote pour faire la bringue gratos à Cannes, le baron Ernest Antoine, celui que je surnomme Brett Sinclair. Eh bien, comme promis, il a voulu m'emmener chez les dames qu'on paye pour avoir du bonheur. Les putes, comme tu dis, Fanel. Bon, elles sont où, les filles, Brett Sinclair? Mais enfin, elles sont là devant vous, mon ami. Vous avez de la fiande dans les yeux, quoi? Non, je suis désolé, mais là, devant moi, je vois que deux vieilles qui font du tricot. Exactement. Helmut, je vous présente la marquise du Fion qui baille et la duchesse de la Turlute. Deux courtisanes que j'ai fait spécialement venir pour le festival. Leur feuille de route est chargée, certes, mais attention, résultat garanti. Oh oui, ben, non merci, hein. Moi, la charité, je veux bien, mais j'ai mes limites. Les pauvres vieilles. Je suis sûr, ça fait longtemps que leur volaille a pas vu le jour. Sous la gaine, ça doit être bien, bien fou. Oui, eh bien, moi, je ne fais pas la fine bouche, mon ami. Je vais aller honorer ces femmes de joie. Quand la porte mon cheval! Et moi, pendant ce temps-là, j'étais faire un tour dans les couloirs de l'hôtel. Je suis arrivé à l'étage des membres du jury. Je suis passé devant la chambre de Quentin Tarantino. Oh, j'ai écouté à la porte. Oh, oh là là. Yes. Qu'est-ce qui se... Oh, yes. Putain. Suck it, baby. Putain, c'est cool, le président du jury. J'ai commencé à me dessaper, histoire de me joindre à la fête, quand j'ai été stoppé dans mon élan par 15 gardes du corps qui devaient peser environ 200 kilos chacun. J'allais m'éclipser dans l'escalier. Quand mon oreille a été attirée par le son qui venait de derrière la porte de la chambre d'un autre membre du jury, Emmanuel Béard. Putain, elle a l'air chaude, la rouquine! Je me suis dit, Helmut, fais gaffe, sinon les casse furieux vont appliquer et tu vas être obligé de leur casser la gueule. Pas le temps de me retirer que la porte s'ouvre, je me fais littéralement balancer dans la chambre par la belle Emmanuel. Salut, toi! Coucou, madame. Appelle-moi Manu la chaudasse. Mets-toi à l'aise, je vais mettre un peu de musique. Ouh. Eh ben, si c'est pas de la musique de salope, ça. Viens danser, fumier. Tu le prends comme ça, la mangouste. Tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le fossoyeur de la vertu. Viens faire coller serré avec le chacal du Tyrol. Ouais. Ouh, t'es une coquine, toi. Oh, me dis donc, tu te frottes comme un saumon, ma pouliche. Oh, non. Attention. Si tu t'aventures du côté des barésés, ça sent le fait divers sur la commode. Oh, oh, oh oui, c'est ça. Vas-y, griffe-moi le cul, ma tigresse. Et puis c'est au moment où je lui proposer un petit challenge à poil qu'elle s'est jetée sur moi. Elle m'a plaqué sur la moquette. Elle m'a tordu une burne, elle s'est mise à beugler. C'est trop fier de l'amour. Mets-moi le faux projecteur, défais-moi la palme. Fais-lui péter la corbeille à pâtisserie à ballon des sources. Comme je suis poli, je me suis exécuté, et là, sur la moquette épaisse du Martinez, on a fait l'amour pendant 76 heures comme des scarabées libanais. J'ai pris une douche et je suis rentré direct. Bon, j'y retourne ce soir pour une soirée drogue et alcool avec mon nouveau pote Ernest Antoine. Promis, je vous raconte tout demain. Allez, au revoir, Zen.